Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenay-Chicoutimi qui ont remporté une belle victoire hier de 4 à 3 contre les Olympiques de Gatineau. C'était quand même un match assez serré. Et pour les Saguenay, ben notez que dans ce match que Vincent Tremblay de la Palme a marqué 2 buts. Il y a Jake Smith qui a aussi compté 1 but et a amassé une passe. Nicolas Roy a amassé 1 but et 3 passes pour Frédéric Allard. Les Saguenay qui vont jouer ce soir à Baie-Comeau. Maintenant, on va vous donner le classement POC comme on le fait tous les mercredis au niveau double lettre. Les Hurricanes de Mastouillage sont en 12e place. Les Rapides de Boumsassini occupent le 27e rang et les Ambassadeurs de Chibougamo sont au 91e rang. Niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 2e rang et les Ambassadeurs de Chibougamo occupent le 75e rang. Tant qu'au niveau junior 2A, ben les Éperviers de Normandin sont au 24e rang et les Sabres de Roberval au 41e rang. Donc, ce qui complète le classement de nos équipes double lettre. Maintenant, on va parler maintenant de Maude Tremblay. On sait que Maude Tremblay s'est distingué en fin de semaine en signant une 9e place et a obtenu son laissez-passer pour participer aux essais hivernaux ou aux qualifications hivernaux de patinage de vitesse sur courte piste. Donc, elle va patiner avec les Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette. Et elle nous a expliqué évidemment qu'est-ce qu'elle a fait en sorte pour se classer en 9e rang. Selon elle, ça a été une belle préparation qu'elle a faite. Je pourrais dire que c'est sûr que j'étais quand même, on pourrait dire, assidue à mes pratiques, que j'allais à toutes mes pratiques. C'est sûr que la semaine avant la compétition, je m'en mangeais pour quand même bien manger, prendre beaucoup de sommeil, puis j'étais préparée, puis j'étais en forme, là. OK, OK. Est-ce que dans l'ensemble, parce que là, on a parlé du... Les mots de Tremblay expliquent quelles seront ses attentes en vue de ses essais hivernaux. Oui, je dirais vraiment, là, je vais être une probablement des plus jeunes, avec une autre fille de Montréal, là. Puis, okay. Ouais, je pense que je vais vraiment prendre ça comme de l'expérience, là, parce que c'est sûr que c'est des grandes patineuses, puis on va essayer des affaires, puis on va prendre de l'expérience là. Okay. Belle nouvelle qu'on était en train d'oublier, c'est que Samuel Girard fait partie des 9 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont été sélectionnés par Équipe Canada pour participer au camp d'entraînement d'Équipe Canada junior en vue du tournoi qui sera présenté durant le temps des fêtes. Samuel Girard sera accompagné également par le joueur des Saguenay de Chicoutimi, Nicolas Roy. Et maintenant, on va parler de judo en terminant, c'est que Marie Besson de Dolbeau-Missassini a été invité à participer à une compétition quand même assez prestigieuse. Ça aura lieu le 7 janvier prochain à Montréal. C'est le championnat canadien élite 8. Roger Tremblay, qui est le responsable du club de judo de Jonquière, a mentionné que c'était une compétition très, très importante pour permettre aux judokas de participer à différentes compétitions à l'extérieur du pays. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Benoît Lavoie et Jean Gounel, qui est à Toronto pour le match de ce soir, le match retour entre l'Impact et le Toronto FC. Et également, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée aussi avec Maud Tremblay dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional, à danradiosport.com.